Bonsoir à tous. Alors, je vois qu'il y a déjà quelqu'un sur le chat. Alors, bonsoir Borgnol. Et puis, on verra ce qui va se passer. Donc, Borgnol qui me demande, ça va être quoi le thème, Gloop ? Ah ben, il n'y a pas vraiment de thème. J'ai été en fait un petit peu sur le peer-to-peer pour essayer d'y trouver quelque chose qui soit sous licence Creative Commons. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a surtout beaucoup de pirates. J'ai vu également des choses qui, en plus d'être pirates, sont pas très ragoûtantes, hein, donc pas de commentaires là-dessus. Mais j'ai des musiques sous licence Creative Commons ou enfin sous licence de libre diffusion. Il y en a néanmoins. Déjà les miennes, puisque je les ai envoyées. Vous pensez bien qu'une fois que j'ai le logiciel, hein, je ne vais pas m'en priver. Mais sinon, à part ça, j'ai trouvé également d'autres musiques. Par exemple, le site www.legaltorrent.com, dont je redonnerai l'adresse, hein, au fur et à mesure. Donc, il y aura quelques morceaux qui viennent du peer-to-peer. Mais en attendant, dans un premier temps, on va commencer par un morceau de l'archive de Dogmazic. Hein, on va commencer par nous. Il s'agit de Chamallow par le groupe Hors de Portée. Donc, un morceau qui est donc sous licence domaine public et qui avait été inscrit sur le site il y a un an, hein, le 2 juillet 2007. C'était un live à l'avant-scène. Donc voilà, Chamallow, ça démarre. Voilà, donc Chamallow, donc le groupe Hors de Portée. Et donc ce que je disais, donc j'avais installé, ça fait à peu près 2-3 semaines que je faisais mes essais, quoi, pour avoir un logiciel de peer-to-peer. Donc le premier, le logiciel qui était d'origine chinoise, j'ai finalement laissé tomber, vu le genre de choses qui passaient par les tables partagées, c'est-à-dire que ça permet de voir ce que d'autres utilisateurs partagent, mais directement depuis ces utilisateurs. Laisse tomber, hein. Ils peuvent se le garder, hein. Ensuite, j'ai changé de logiciel. Donc là, je ne sais pas d'où il vient celui-là. Bon, j'ose pas donner de marque, hein, parce que bon, c'est les marques commerciales, quoi. Bon, on fait de la publicité là-dessus. Je pense qu'ils n'en ont pas trop besoin. Mais donc là, effectivement, donc on ne voit pas directement ce que les autres utilisateurs ont sur leur machine, bien qu'il y ait une déconnexion pour chercher ceux qui ont ce que je cherche. Mais par contre, il n'y a pas de liste. Alors ça, c'est déjà vachement plus propre, hein, parce que bon. Et ensuite, l'autre truc, c'est que par contre, le défaut, c'est que quand on met sur leur serveur, parce qu'on envoie sur leur serveur, hein, ce qu'on y met, et que les utilisateurs n'aiment pas, bah, ça les gêne pas. Ils cliquent sur inapproprié. Ils indiquent qu'il y a un problème de copyright puisque j'ai un album qui en MP3, c'était bon. En FLAC, le même album, c'est bon. En OGG, le même album, c'est copyrighté, on n'a pas le droit. Faut pas chercher à comprendre, hein, c'est que le type, au lieu de dire que ça lui plaît pas, il préfère faire virer le truc, et puis la société, ils ont pas envie de prendre trop de risques avec les autorités françaises. Alors, voup, on supprime. Mais ben ça c'est pas bien grave, hein. J'ai bien poussé ma gueulante, hein, puisqu'il y a un truc pour contacter en expliquant que c'est bien moi l'auteur de tout ça et puis que bon ben je vois pas comment l'auteur aurait pu se plaindre puisque c'est moi-même. Voilà. On continue encore en musique, hein, puisque bon j'avais pas préparé grand chose. Morceau suivant. Ça vient du peer-to-peer, hein. Ça vient donc, c'est Dimitris, l'artiste. Et l'album s'appelle Collage Rhythmos. Alors, je vais poster un peu les références. Hein. Copier, voilà. Et donc, un coup sur le chat pour commencer. Ctrl V, entrée. Donc voilà, c'est sur le chat. Et puis, un coup sur le forum, pour ceux qui vraiment n'auraient pas Java et qui ne sauraient pas comment faire, hein, j'y suis aussi un petit peu, et je colle également au fur et à mesure les références des morceaux. Alors, Trapped in Time Space, piégé dans l'espace-temps, vaut mieux être Trapped in Time Space que Trapped in My Space, hein. Donc par Dimitris, c'est un morceau de 6 minutes 15, l'album s'appelle Collage Rhythmos. C'est d'un style drum and bass, hein. Je fais que lire, hein. Ça avait été fait en 2005. La licence est Creative Commons by NCND 2.5 et donc c'est sur www.legaltorrent.com et donc évidemment ça a été téléchargé en peer-to-peer et là tout à fait légalement puisque la licence donne cette autorisation de partager. Donc voilà, ça démarre, Dimitris. Thank you. Et ça, c'était ce que l'on entend donc en musique libre sur les réseaux peer-to-peer. C'est donc ce que l'on a le droit de télécharger en mode descendant et en mode montant tout à fait légalement. On ne pourra pas vous poursuivre normalement pour ça, en principe. Donc je rappelle donc la référence, hein, Trapped in Time Space de Dimitris, de l'album Collage Rhythmos, qui date de 2005. Et donc ça se trouve sur legaltorrents.com. Et donc le morceau suivant que j'ai prévu, c'est Panem et Circenses, hein, ça on pourrait le dire en fait, pas mal de ce que l'on voit en ce moment à la télé, hein, du pain et des jeux. C'est un petit peu ce qu'on a ici, hein. On nous fait voir un tas de choses, de la Starac, de la Nouvelle Star, plein de paillettes, et on fait croire aux gens que c'est ça la réalité et tout. Tout ça c'est bien trafiqué, bien mis en scène. Bon bah, seulement pour pouvoir faire un disque, une fois qu'on a un producteur sur le dos, bah là, c'est plus tout à fait les paillettes le quotidien. Les paillettes, c'est juste au moment où on est devant les gens qu'on fait le guignol, mais bon, je suis pas sûr qu'ils font exactement tous la musique qu'ils auraient voulu faire. Je n'en suis pas convaincu à 100%. Donc quand on parle de musique libre, hein, quelque part, c'est pas seulement une question de libre diffusion, enfin de libre distribution dans un cadre non commercial. C'est aussi pas mal, ben, la possibilité de faire absolument tout ce qu'on veut, y compris de la musique bruitiste, sans avoir de compte à rendre à personne. Bourgnol qui a entendu une ancienne star académicienne, oui, et qui disait quoi ? Je dois avouer que tout ce que les gars voulaient, voilà. Donc après, une fois qu'elle avait gagné, donc j'attends la suite, ça vient tout doucement. ATTA. Tout ce que les gars voulaient, c'est ATA. Non, bah là je suis pas. Ah d'accord. Qu'elle fasse de la zik ou qu'elle... où elle montre son... d'accord. Où elle montre ses... c'est parti charnu apparemment, hein. Bref, c'est pas... Oui, mais enfin ça c'est pas nouveau, hein. Dans la publicité c'est pareil, hein. Oui, de la musique qui permet de montrer ses fesses, oui, mais c'est aussi le truc, c'est parce qu'en fait la musique qui passe à la télé, c'est de la publicité pour les disques et les concerts. Donc c'est le même principe que la publicité pour des yaourts, hein. Ou quand la bonne femme, elle mange le yaourt, on dirait qu'elle a un orgasme, no comment, hein. J'ai jamais mangé de yaourt qui fasse cet effet-là, hein. Bon. D'ailleurs, j'en voudrais pas, hein. Mais bon, il y a une ancienne Starac également que j'essaie de suivre un peu. Elle a sorti un deuxième album qui pour l'instant est en... il y a des singles qui sont en téléchargement. Et alors moi j'avais bien aimé au niveau du son, quoi, que ça justement ça faisait un petit peu fabrication maison. Il y avait notamment un piano qui, je dirais pas qu'il sonne faux, mais qui est accordé à l'ancienne, on va dire. C'est pas que ça sonne faux, mais c'est pas le piano vachement brillant avec des touches bien qui donnent beaucoup de brillance, beaucoup de son dans les aigus, beaucoup de percussions. Non, c'est un truc bon, un petit peu presque comme un... presque comme un piano, un toy piano presque. Hein. Et donc, commentaire des gens, on dirait de la musique amateur. Et puis alors, bon, sinon, bon, sur le forum, le blog donc, où les gens commentaient l'article, hein, article qui était assez concis pourtant, hein, qui disait simplement qu'il y avait un nouvel album et qui montrait l'adresse où l'écouter. Ah bon, on n'avait même pas entendu le premier. Évidemment, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle est tout de suite partie, elle a tout de suite claqué la porte de chez l'univers pas propre, quoi. Donc forcément, ça passe pas à la télé, ça passe pas à la radio, il n'y a pas de pub pour ça. Emma Domas, oui, En fait, bon, moi, j'ai même pas suivi. Je crois que ça doit être la première Starac. À l'époque, j'avais pas de télé. Et puis, bon, bah, la télé actuellement, bah, ça doit faire depuis le mois de. Ça doit être décembre ou janvier, la dernière fois que je l'ai allumée. C'est dire, hein, que. Donc, bon, on va revenir donc à de la musique, hein, après ces considérations bon, qui se trouvent un peu sous la ceinture. Ah, la ceinture, qui est d'ailleurs un album aussi d'une ancienne star académicienne, qui a été fait avec Benjamin Biolay, ben, bonjour la référence. Hein. Donc, c'est à peu près pareil que toutes les autres productions, donc on va pas en parler plus longtemps. On passe donc à Psychonada, donc Psychonada. Panem et Circenses de l'album Weltanschauung. Ah, ça doit être un titre encore allemand. Alors, j'ai chanté un truc en allemand alors que je comprends, je pige pratiquement que dalle, mais bon, enfin, c'est pas grave, hein. Au moins mon accent les fera rigoler, hein. Et donc ça se trouve sur l'archive de Dogmazic, hein, dogmazic.net/psychonada, PSYCHONADA. Et donc, compositeur, hein, c'est Siegfried Gautier. Ah oui, il a un prénom allemand aussi. Donc, on va lancer ça. Hop, un petit coup de clic et ça démarre. Et voilà, bah c'est déjà passé 2 minutes 08, ça va vite effectivement, et du coup je suis en retard sur ce que j'étais en train de faire. Je n'ai pas préparé mon titre d'avance, hein. C'est vrai que j'étais en train de clavarder sur le chat, et d'ailleurs sur le chat vous pouvez aussi vous y rendre pour clavarder, comme disent nos amis les Québécois. Alors je ne sais pas encore bien faire l'accent québécois, je ne suis pas encore rendu là, mais je vous promets que je ferai un effort, justement parce que les Québécois, ce sont eux qui n'ont pas d'accent. En France, on parle pointu. Voilà, ça doit être absolument ridicule ce que je viens de faire là, mais ce n'est pas grave. Donc le chat, donc vous cliquez sur planning de la radio. Juste sous l'autruche, avec un casque où il y a marqué on air et puis un petit poste transitoire qui est dessiné. Donc c'est là que vous cliquez planning de la radio. Et alors vous avez au-dessus du planning un bouton où il y a marqué accès au chat en Java. Donc ça, c'est la façon que je comprends. Et puis alors, il y a une autre façon de se rendre sur le chat, une façon que je ne comprends pas. Donc je ne fais que lire ce qui est écrit. vous pouvez aussi utiliser un client MIRC ou un XChat. Les informations du serveur, serveur double point, irc.united-irc.com, port 6667, chan double point, donc dièse, musique-libre. Donc ça c'est la partie où je comprends pas, c'est ceux qui sont équipés qui comprennent. Donc et du coup, je plane complètement parce qu'il faut que je prépare le prochain morceau. Alors radio ce soir, il est là. On pourra encore se repasser un petit psychonada pendant qu'on y est, avant de repasser à une musique glanée sur donc légalement sur le peer-to-peer. Et donc là, il s'agit de Sarko Show. Ben oui, ça c'est un autre aspect de la télé qui fait que bah ça donne vraiment pas envie de la regarder. Alors là, en ce moment, Zébulon, après la libération de Ingrid Betancourt, puisqu'il n'y est pour rien, tout ce qu'il peut faire, c'est jouer le modeste. Quoi. Alors, mais bon, il continue à sauter sur son ressort. Hein. Voilà, je déplace, je suis en train de faire 36 trucs à la fois, donc clic droit, copier, voilà, comme ça j'ai la référence du morceau avec l'adresse où on le trouve et tout, et je pourrais le coller sur le chat et surtout sur le forum pour ceux qui veulent retrouver les références de l'émission. Il joue le modeste, mais enfin ça fait partie un peu de sa communication, hein. Quand on regarde, en fait, bon, en ce moment, la télé, le peu d'écho que j'en ai, parce que, bon, les gens au travail, ils en parlent de la télé, hein, ça me fait penser à l'ORTF, hein, on est revenu à l'ORTF, hein, on entend parler, on voit toujours les mêmes qui s'expriment, quoi, il y a comme un déséquilibre, quoi, en termes de représentation. On regarde quoi ? On regarde Zébulon, évidemment. Donc, un petit coup de psychonada, encore une fois. Et bah oui, c'est la machine à laver qui tourne derrière. Bah oui, je suis en direct de la buanderie, ça s'entend, non ? Donc, voilà, les références. Les références déjà sur le chat. Ben, Zébulon, oui. Ben oui, le nain qui est trop petit, alors pour qu'on fasse attention à lui, il saute sur place sur son ressort. Voilà. Et donc je vais du coup aussi éditer donc le dernier message que j'ai mis donc pour rajouter cette référence là comme ça. Ça y est, tout de suite, coller, envoyer, message enregistré avec succès, cliquez ici pour voir votre message et voilà, et c'est en ligne. Donc Sarko Show par Psychonada et toujours l'album Weltanschauung, donc ça reste toujours l'année 2006 et c'est toujours la licence Creative Commons by NCSA 2.0 comme le morceau précédent d'abord d'ailleurs, hein. Et donc l'adresse je vois qu'il y a une petite faute là, bon je vais corriger ça, mais l'adresse pour le retrouver c'est toujours la même que tout à l'heure, donc un petit coup de Sarko Show. Rien. Vraiment rien. Personne. Vraiment personne. Ne m'empêchera d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout. Rien. Vraiment rien. Personne. Vraiment personne. Ne m'empêchera d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout. We'll be right back. Je vais même vous dire mieux. Moi, je suis Premier ministre. Moi, je suis président de la République. Moi, je... Et oui, c'est une plaisanterie, hein. Ce nain à ressort là qu'on nous a mis à la tête du pays, là, Zébulon. Voilà. Oui, c'est tout à fait. Ben, on n'entend que ça presque. Hein. Donc, toujours en direct de la buanderie. Cette émission de radio avec. Prochain titre sera à nouveau glané. Il a déjà été glané. Sur les réseaux peer-to-peer. Pour l'instant, je ne suis pas en train de l'envoyer parce que faut que j'envoie l'émission. Le titre en question que je prévois, c'est Ain't No Moonshine de Lord Eric Hagen. Alors ça, Lord, ça ferait très, très smart. Mais par contre, l'album Soma Sex Dreams, ça enlève tout de suite le côté noble. Hein. Voilà, ça change tout de suite. L'album date de 2004. Et il est sous une licence Creative Commons by NCND 2.0. Et ça nous vient de LegalTorrents.com. Et sinon, je vais à nouveau rejeter un coup d'œil sur ce qui se passe sur le chat. Finalement, pas grand-chose. Hein. Bon, il y a toujours Borgnol qui est là. Donc, il me faisait remarquer qu'il entendait... s'il demandait si c'est la machine à laver qui tourne derrière. Évidemment que c'est la machine à laver. Là, je suis en direct de ma buanderie, donc on entend la machine à laver. C'est logique. On dirait un train. Mais c'est pas un train, c'est un lave-linge. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument un studio ultra insonorisé, un truc, quelque chose, une émission où c'est vraiment mort, où on a l'impression d'être dans un cimetière, on n'entend rien, on est à un enterrement, là, à l'église, on entendrait presque une mouche voler. Je fais l'émission depuis chez moi, et chez moi, c'est dans la vraie vie, dans ma buanderie, et on entend un lave-linge. Donc, hop là, je colle déjà les références du morceau sur le chat. Donc, vous avez donc les références du morceau et puis le lien également donc, qui permet de trouver directement là où ça se trouve. Et alors, ce morceau donc, Ain't No Moonshine, il n'indique pas le style. Hein. J'ai un peu oublié ce que c'était. Mais c'est souvent des choses qui ne passeraient pas tellement sur les majors. Hein. C'est pas tellement standard, c'est bien ça aussi l'avantage d'écouter de la musique libre. Elles ne se ressemblent pas toutes les unes les autres, chacun a son style, parce que ce n'est pas un seul producteur qui décide pour tous les artistes, et ça au moins c'est bien. Donc voilà, je vais lancer la... pas la machine, non, la machine elle continue à tourner, mais Ain't No Moonshine, ah bah ça fait un sacré exercice d'articulation, il faudra que je fasse quelques petits exercices comme ça pour ne pas bafouiller. Mais on a le droit de bafouiller sur Radio Dogmatique, rien que pour ne pas faire pareil que les radios commerciales. Et hop, un petit clic. Déjà terminé, voilà. C'était très court, hein, des morceaux de 2 minutes, comme ça. Un petit peu de gratte, oui, c'est sympa ça aussi, pas de parole, hein. On se prend pas la tête, on gratte des accords, mais avec quand même beaucoup de finesse, hein, c'est pas... c'est pour ça que c'est agréable. Donc voilà, c'est donc encore une chose que l'on trouve sur les réseaux peer-to-peer. Je vais essayer de le retrouver là pour suivre le lien, en suivant le lien là. Copier, alors ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre. Alors, ah oui, c'est Betal. Ensuite, il y a un betal.com, faut suivre là derrière. Animation audiobook, books tout court. Donc, c'est, oui, ça c'est du PDF. Hein. On trouve pas mal de choses, d'ailleurs, pas que de la musique. Donc, il y a des films d'animation là sur ce site. Hein. Ben, je revisite. Hein. Bon, c'est en anglais tout ça. Hein. Ça c'est l'inconvénient. Story of Stuff en MOV. Old Job Jack S03E1 13 Assets, alors là je sais pas ce que c'est. PNG, c'est une archive rare, alors un truc que je ne sais pas comment qu'on ouvre, hein. J'ai appris qu'on, d'après ce que j'ai entendu, on s'attrape facilement des virus avec ça, alors bon, tant que j'en sais pas plus, je préfère ne pas télécharger des trucs dans des archives rares. Alors donc des audiobooks, ah bah oui, Mary Shelley, Frankenstein, celui-là je l'ai pris d'ailleurs, hein. Très bonne qualité audio en fait, hein. Je m'attendais à des choses qui faisaient beaucoup plus amateur que ça, et bah contrairement même, j'avais téléchargé en podcast en fait Sherlock Holmes, également en anglais, j'aime bien Sherlock Holmes, et je veux dire que la qualité que j'avais était bien plus pourrie que ce que j'ai entendu là, où là c'est vraiment très propre. Alors, donc des livres tout court, donc en PDF, hein, OVO Zine Archives, Laurence Lessig, Free Culture, les jeux. Bon, ça c'est pas pour moi, mais il y a les aventures de Fatman. Ah ben oui, ils peuvent pas, ils ont pas pu reprendre Pac-Man, c'était pas autorisé, alors ils ont mis Fatman à la place. Des movies, des films. Alors, un film sympa, c'est Route 66 qui est en allemand, ou alors vous avez Route 66 Documentary tout court qui est aussi en allemand mais sous-titré en anglais. Je le sais pour l'avoir téléchargé. Alors, il y a Ghost, alors Nine Inch Nails dans la musique Ghosts 1 à 4 en MP3. Non, moi je l'ai mis en, je l'ai mis en ligne aussi, mais en FLAC. Et pas dans une archive zip, mais en entier. Et ça, j'ai vu que ça cartonne pas mal, hein. Plus que mes propres albums. Et donc je voulais donc retrouver, c'était lequel que j'avais là. Donc il s'agissait de retrouver donc le titre en question, Ain't No Moonshine de Lord Eric Haugen. Alors ça. C'est pas. Non, j'arrive pas à retrouver exactement. Alors, hop. Torrent, get. Ah. Alors, c'est pas le trait de soul. My life, non. Triade public domaine. C'est. Alors, on va voir si c'est là. Laurence Lessig, non, c'est pas. J'arrive plus à le retrouver exactement. Ben tant pis. Hein. Bon, ça c'est. Mais je sais que c'est sur legaltorrent.com que j'avais eu, hein, finalement. Alors, il y a également de la Net Label Music. Ça peut, ça vient peut-être de là aussi. Hein. Donc, Towering Achievement of Indescribable Beauty. Il y a des compilations. Alors par contre, la mauvaise surprise, ah, picture, il y a des Wallpaper Collection, une collection de papier peint, Sounds, Samples and Loop, donc des sons, des échantillons et des boucles, disons, des émissions de télévision, Rights and Freedoms, droits et libertés, hein, ça a l'air quand même assez militant tout ça, hein. Un truc sur l'environnement, mais tout ça c'est aussi tout ça c'est principalement en anglais. Alors pendant que je parle dans le micro et que je lis ma page, je ne vois pas ce qui se passe sur le chat. Ah, Wikipédia Factman Scoop, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai toujours mon chat? Oui, j'ai toujours mon. Je l'ai pas perdu, voilà. Donc, Fatman Scoop, de son vrai nom Isaac Freeman III, est un rappeur new-yorkais et animateur radio. Il est. Oui. Mais là, il s'agit pas d'un album, il s'agissait d'un jeu. Hein. Donc, ça doit pas être le même. Hein. C'est Fatman tout court. Hein. Voilà. Je continue à redire, voilà. Ça ne doute pas. Hein. Ça me suit, hein. J'oublie de me surveiller, d'ailleurs même quand je me surveille, je continue à le dire. Alors, la musique que j'avais donc prévue, oui, ça s'est passé. Donc, on continuera, donc on va continuer maintenant en musique de nouveau avec Stéphane Roger, donc de l'archive Dogmazic, donc dogmazic.net/Roger, tout simplement, comme le prénom. Donc, les couleurs du temps. Ce n'est pas du comment qu'il s'appelle là, ce n'est pas du Guy Béard, hein. Ça n'a rien à voir, hein. c'est pas ça, c'est misé, hein. Qu'est-ce que où est-ce que j'en étais, donc il s'agit donc de Roger, encore un coup, c'est que j'en ai beaucoup chez moi, c'est pour ça que j'en fais souvent passer, hein. Là j'ai pris ma liste, hein, j'ai mis complètement, ouais, j'ai tout mis dedans, j'ai tout mélangé, et ensuite j'ai un petit peu changé l'ordre pour équilibrer entre la musique du Dogmazic et la musique des torrents, pour avoir un peu les deux. Donc Roger, les couleurs du temps, il est sous quelle licence habituellement, il est sous licence je vais voir. Creative Commons by NCND 2.0, hein, comme beaucoup ces derniers temps. Il utilisait beaucoup la licence art libre à ses débuts, Mais apparemment, on a dû faire des choses qu'il fallait pas avec sa musique, hein, puisque tout à coup, il s'est mis à utiliser du BYNCND 2.0. Voilà, petit clic de nouveau. Tiens, ça, c'est aussi un truc qu'on n'entend pas sur les radios quand ils lancent les trucs. On n'entend pas les boutons, les curseurs et tout ça. Alors que pourtant, ils appuient vraiment dessus. Hein. Mais c'est pareil, on fait tout pour être bien isolé, pour qu'on ait l'impression que le type, il est dans votre pièce. Non, non, moi, je suis pas chez vous. Hein. Moi, je suis chez moi. Donc, on entend ce qui se passe chez moi dans les haut-parleurs. Hein. Et voilà, fin du morceau de Roger. Musique classique, c'est pas sympa ça. Encore un truc qu'on n'entend jamais sur les radios commerciales. On a toujours rien que des tas de musique qui se ressemblent. Ici, on peut faire passer vraiment de tout. Et ça, c'est sympa. Donc sur le chat, bah, y a toujours encore que Borgnol. Faut pas hésiter à venir. Hein. On va pas vous manger. Alors n'hésitez pas, vous cliquez sur en dessous de l'autruche casquée et de la petite radio on air. Vous cliquez sur planning de la radio. Vous cliquez ensuite sur au-dessus du tableau accès au chat en Java. Et puis c'est là, je pourrai lire tout ce que vous écrivez. Et vous pourrez lire vous-même toutes les bêtises que j'écris, en plus de celles que je dis. Donc là, c'était encore. Donc on revient un petit peu à l'archive dogmatique, hein, mais il y aura encore d'autres trucs qu'on aura sur le peer-to-peer. Hein. Donc j'avais aussi essayé de faire des petites recherches. Donc en tapant Creative Commons là dans le logiciel. C'est très très pauvre. Donc, si vous-même vous faites de la musique libre et que vous avez un logiciel donc pour aller sur le BitTorrent, n'hésitez pas à mettre votre musique dessus et puis à marquer bien en clair hein, Creative Commons ou licence art libre. Bon, Creative Commons, c'est plus pratique que licence art libre parce que ça a plus de chances d'être recherché. Mais enfin bon, si vous tenez absolument à utiliser une licence art libre hein, ou une licence JNU, bon, pourquoi pas. Mais enfin, c'est pas mal quand même de se faire entendre, puisque les majors ne veulent pas se retrouver sur ces réseaux, bah tant mieux, on prend la place. On va quand même pas laisser l'espace inoccupé, non? Et ah ben voilà, il y a justement Bourgnol qui me demandait ce qui se passait quand j'improvisais, et puis bah oui, bah ça fait des blancs. Hein. Oui, effectivement, donc. Alors vous avez donc aussi. Donc vous avez deux endroits où ils peuvent se passer des choses. Si vous n'avez pas accès au chat, vous allez également sur le forum. Donc dans le sujet, donc dans l'index du forum, vous allez sur Radio Dogmasic et sur émission de Gloop. Et puis là aussi, je surveille un peu ce qui se passe. Et puis vous avez aussi petit à petit les références de ce que je passe, hein, qui s'ajoutent, que j'ajoute au fur et à mesure que l'émission se déroule. Hein. Donc on a déjà passé Hors de Portée, Psychonada, Stéphane Roger de l'Archive Dogmasic, et puis Dimitris et Lord Eric Haugen, donc recueillis sur les torrents. Et puis donc voilà, l'enregistrement, qu'est-ce qui se passe? Oui, ben j'ai de nouveau saturé. Bon, ben, ça doit pas saturer, ça a saturé que d'un côté, donc c'est bon, ça doit pas être énorme. Hein. Et donc, où est-ce que j'en suis là? Faut que je fais tout en même temps en plus, hein, c'est pas évident, hein, c'est-à-dire que j'ai rien de préparé pratiquement à part les morceaux de musique. Donc prochain morceau, c'est de, bon, on va continuer en musique alors, hein, de PELF, hein. Si tu prends ma main, là il s'agit du concert au Poussin Vert le 11 avril 2008, hein. Le morceau est en licence art libre et également donc disponible sur l'archive Dogmasic. Ça démarre. Et je sais pas si vous êtes assez chaud pour chanter là, mais initialement, j'avais un co-instrumentiste ici présent d'ailleurs, puis qui s'est désisté pour raison de santé et tout et tout. Et donc, j'ai pas de deuxième voix. J'aurais besoin que vous fassiez une deuxième voix. Ce serait jouable, ça? A priori, c'est assez simple, hein. Pendant tout le temps de la chanson, il suffirait que vous chantiez tous en chœur et très fort. Ta main, ma main, ma main, ta main, ma main, ta main, ma main, ta main. Vous essayez avec moi là? Ta main, ma main, ma main, ta main. Je vous entends pas. Ta main, ma main, ma main, ta main. Plus fort, je vous entends pas. Ouais. Alors, pendant toute la chanson, vous essayez de chanter comme ça. Ta main, ma main, ma main, ta main, ma main, ta main, ta main, ma main. Si tu prends ma main, attends que l'autre ne s'échappe. Si je prends ta main, attends de voir elle dérape, un torse à caresser ou des cheveux mouillés. Si nos deux mains sages, les autres font massage. Si tu prends ma main, attends que l'autre ne s'échappe. Si je prends ta main, attends de voir elle dérape. À queue de jeu, de deux mains qui volent et frôlent, chamaille l'autre avec ou sans deux mains. Si tu prends ma main, attends que l'autre ne s'échappe. Si je prends ta main, attends de voir elle dérape. Et attends, tu n'as pas tout vu, ferme pour cela les yeux. Un doigt s'égare à ton insu pour un frisson digne des dieux. Si tu prends ma main, attends que l'autre ne s'échappe. Si je prends ta main, attends de voir elle dérape. Si tu prends ma main, attends, l'autre s'échappe. Si je prends ta main, c'est pour qu'elle dérape. Ouais. Merci. Voilà, voilà. Ben oui, voilà, voilà. Ben lui aussi. Ben je suis pas tout seul à dire voilà. Et donc pour que la main dérape, mes doigts ne dérapent pas sur les curseurs, hein, parce que j'ai pas grand chose à faire. Hein. C'est bien pratique quand on a juste un micro et une carte son et que tous les niveaux sont réglés d'avance. Mais par contre, c'est beaucoup plus compliqué quand on fait du secrétariat en même temps, puisque bon, j'essaye de poster les titres au fur et à mesure. Je ne sais pas d'ailleurs pas trop s'il y a beaucoup de gens qui écoutent là. Je ne sais plus comment qu'on fait pour savoir. Je connais plus exactement l'accès. Donc, j'ai aucune idée du nombre d'auditeurs, mais j'ai noté pour les émissions précédentes, en fait, elle est beaucoup plus écoutée donc en streaming après coup ou bien en téléchargement que en direct au moment où je la fais. Donc, ça s'adresse à la limite. Il faudrait que je m'adresse aux auditeurs, non pas au présent, mais au futur pour la majorité. Shoutcast. Je ne sais pas ce que c'est qu'un shoutcast, hein, j'ai déjà vu le mot, je ne sais pas ce que c'est. Icecast. Donc là, je suis simplement en direct hein, avec Winamp et Outcast. Et puis bon, l'émission ensuite, elle est écoutée en podcast, certainement. Et également donc en téléchargement normal, hein, en fait. Hein. Et puis en stream, hein, en appuyant sur les liens MP3, écouter en MP3, télécharger en MP3, écouter en OGG, télécharger en OGG. Mais bon, c'est bien pour ça d'ailleurs que je mets les émissions en ligne sous cette forme-là, hein, parce que sinon, ça ne servirait à rien que je bafouille dans mon micro. Et on va tout de suite... Alors, tu mets avec quel plugin logiciel, demande Borgnol. Ben, j'ai Winamp 5.531 avec le plugin Outcast. Voilà. Tiens, je vois... Je sais pas ce... Un, deux... Ah, ben, il y a des niveaux, j'avais pas remarqué, là, qui me fait des vues mètres, là. Mais enfin, bon, vu que les vues mètres, je surveille, en fait, sur le logiciel qui enregistre, hein, puisque, de toute manière, c'est le même niveau sonore, hein. On a affaire, c'est la même carte son qui fait les deux, et donc si c'est bon sur l'éditeur audio, hein, pour avoir fait l'essai, hein, c'est bon aussi pour le direct. Et voilà, il y a encore un coup de saturation. Ça sature pas de beaucoup. Hein, ça... Ah, c'est les aigus qui saturent en fait. Hein. Je vais peut-être quand même un peu baisser alors le micro. Voilà, un tout petit peu moins fort, ça devrait aller. Oui, voilà. Donc si maintenant, ben, j'arrive à saturer quand même. Hein. Mais bon, ça, on va... J'avais réglé un niveau moyen qui n'a jamais été le même. Là, j'ai dû faire 4 ou 5 essais et puis chaque fois autre chose. Ensuite, et pour enregistrer, ben c'est encore une fois du pas libre. Oui, c'est un logiciel. Bon, j'ai bien Audacity, mais je m'en sers pas. J'utilise un logiciel qui est pas libre, hein, qui est en plus entièrement en anglais. Ça vient du Canada, mais faut dire qu'il y a pas mal d'opérations qui sont relativement simples à faire dans ce logiciel, de ce que je fais habituellement. Et où ça devient beaucoup plus compliqué dans Audacity, notamment pour ce qui concerne donc des traitements stéréo, des choses comme ça. Borgnol qui fait un ha, non, il est scandalisé. Apparemment parce que j'utilise des logiciels brevetés, copyrightés. Ah oui, ben là je vais me faire virer du site hein, avec la version DIAD 4.1 ou je ne sais pas trop ce qui là l'espèce de gros délire là qu'il y a en ce moment sur le forum et qui revient à chaque fois que qu'un sachemiste, donc un sachemiste c'est quelqu'un qui a déposé toute l'œuvre de sa vie au pied de la sachem, donc qui vient dire voilà ce que j'ai fait et puis qui se fait allumer. Ça doit leur faire tout drôle parce que bon, il y a d'autres forums que je fréquente, hein, parfois je me contente de lire, dans certains cas il m'arrive d'écrire, où là bon, ils se font relativement bien accueillir et puis alors par contre quand ils arrivent sur Dogmazic, en comparaison c'est vraiment trash, hein. Mais bon, c'est assez rigolo parce qu'en plus, bon, ils n'ont pas trop de réponses. Ils entendent parler de licence libre pour la première fois de leur vie, certainement. Mais bon, d'un côté, si on amène les choses, si on amenait les choses en douceur, peut-être ce serait pas mal aussi. Hein, mais bon, encore faudrait-il qu'ils veuillent bien comprendre. Hein. Et donc, revenir donc à la musique et justement donc au pire tout pire. Hein, bon, ça, il y a quand même un petit peu un sujet ce soir. Quoi, il n'y a pas que la buanderie. Avec le lave-linge et le frigo, il y a donc la musique libre sur les réseaux de téléchargement, le peer-to-peer, là, le torrent qui va mettre à mal l'économie française, hein, qui ne se relèvera plus, hein, parce que le téléchargement illégal, ça a déjà fait disparaître les professions de rémouleur et d'ourdisseur. Il n'y en a plus aucun en France à cause de ceux qui téléchargent illégalement de la musique et qui mettent en danger l'économie de la nation française. Alors, on va continuer à remettre en danger l'économie de la nation française, tout à fait légalement, de Rapture, donc un album qui s'appelle The Wired CD, Rip Sample Mash Share, que je lis. Alors là, c'est pas tout à fait, ça vient aussi de legaltorrents.com, mais pas que, il n'y a pas que cette adresse, il y a deux adresses en fait. Hop, je copie au passage, hein, pour pouvoir reposter ça. Donc Sister Savior Black Strobe Remix, ça c'est le titre de la chanson. Donc l'interprète de Rapture, et donc style, donc pour eux c'est du alternative and punk. Bon, ça c'est eux qui le disent. C'est sous une licence, hein, qui est pas courante, hein, je la vois pas souvent celle-là. Bon, il faut bien qu'on dise sous quelle licence ça se trouve, donc je le dis. Creative Commons Sampling Plus 1.0. Donc je présume a priori qu'on aurait le droit d'utiliser pour sampler. Et donc vous avez ça sur www.legaltorrent.com, mais vous avez aussi ça sur creativecommons.org. Wired. Alors on va, voilà, je sais, j'ai dû copier quelque chose qu'il fallait pas là, accidentellement, donc je remets ce qu'il faut dedans. Et donc un peu de punk, oui, et puis on a pour 7 minutes 5 là, alors on va se on va se démolir les oreilles ou se les déboucher. Ou se les nettoyer. Voilà, voilà le mot. On va se nettoyer les oreilles. Avec Sister Savior. Thank you. Go Back. Non, ça c'est le titre prochain. C'est le prochain titre. Donc Sister Savior dans le, avec un remix Black Strobe par The Raptor. Donc ils se disent. Donc c'est eux qui avaient évalué donc le style alternative et punk. Mais bon, personnellement, j'aurais plutôt trouvé ça comme étant de l'électro. Mais enfin, bon, je suis pas non plus une référence au niveau des classements. Hein. Mais c'est pareil, hein, quand j'ai des trucs parfois dans les quand je vois un peu sur des magasins qui vendent de la musique en ligne, ils osent vendre la musique. Hein, enfin bon, ils ont le droit. Hein, et donc d'autre part, donc la ce qu'on voit aussi bon sur des playlists de différentes radios, parfois c'est des trucs, les morceaux qui sont dans pop, j'ai l'impression que c'est du rock. Parfois des morceaux où je classerais dans rock, moi j'aurais plutôt mis ça dans le dans la pop. Enfin, j'ai beaucoup de mal à comprendre la façon dont ils classent les trucs. Ça me paraît parfois un peu illogique. Ah ben il y a Borgnol qui va y aller, bah, qui doit s'en vavater. Bon bah oui, alors bonne soirée alors à Borgnol, hein, puisque bon, et donc je vais me retrouver un petit peu tout seul là sur le chat, alors n'hésitez pas à venir, hein, vous cliquez sur planning de la radio et je suis là donc en direct de la buanderie, de ma buanderie, ça s'entend j'espère, hein, parce que bon, je vais quand même pas me déplacer dans la buanderie pour qu'on remarque rien. Et un petit coup, donc beaucoup de musique libre qui va continuer, on va continuer à faire passer des morceaux en attendant. Donc des morceaux donc glanés soit sur l'archive Dogmazic, soit téléchargés en peer-to-peer, mais légalement, puisque c'est de la libre diffusion, donc généralement des licences Creative Commons. Et donc le prochain titre, il est déjà prêt. Justement parce que là j'allais commencer, ça, l'artiste s'appelle My Home Cerveau. Alors est-ce qu'on doit laisser le cerveau à la maison quand on travaille? Normalement le chef, lui, il a déjà réfléchi, il a déjà pensé. Donc si au moment de travailler on réfléchit ou on pense, on fait du travail inutile. C'est une perte de temps. Le chef a déjà pensé, a déjà réfléchi. Donc oui, il faut laisser le cerveau à la maison quand on travaille. Donc c'est un nom qui est tout à fait justifié, tout à fait ancré dans la réalité. Et moi je me trompe de bouton là. Le morceau s'appelle Go Back to the Other Way. Revenir à, à l'autre façon, bah, l'ancienne manière, c'est quoi? Bah, ça doit être ça justement. Le cerveau, on le laisse à la maison pour laisser du temps de cerveau disponible à une boisson, à un soda coloré en brun dont la bouteille est rouge. C'est aussi à ça que ça sert. Donc il n'y a pas de numéro d'album, de titre, c'est pas dans un album précis, mais par contre je sais que ça a été mis en ligne en février 2008 si je ne m'abuse, où se trouve ma liste. Oui, donc il s'agit de, c'est de l'électronique expérimentale, là c'est écrit en français, donc c'est moi qui ai dû écrire ça. Et la licence Creative Commons by NCND 2.0. Voilà, il faut bien sûr aussi la préciser, puisque c'est, ça fait partie du contrat. Donc, on revient au logiciel de lecture, et puis je vais détacher le micro pour vous faire entendre ce qu'on vous cache toujours quand vous écoutez une radio commerciale. Je vais cliquer sur la souris et vous allez m'entendre cliquer. program. Oh boy, it's really something. It was fantastic. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, this guy Riggs, pretty spectacular. God, what is that there? That's Roger, all alone. What is that? Go tango. Tango. And there's kind of light there now. You fucking shit. You fucking war shit. Et nous continuons également en musique avec Scission Siamoise de 4K, de K4N. Donc les informations, c'est sous licence Creative Commons by NC2.5. Et ça se trouve également sur l'archive de Dogmazic, www.dogmazic.net/K4N. Voilà. Et pendant ce temps, je vais me servir un petit coup à boire de l'eau. De l'eau claire et fraîche. Du robinet. Eh bien voilà, je ne suis de nouveau pas tout seul, c'est Mr. Piggy Pop qui vient d'arriver, juste après Borgnol. Alors salut Mr. Piggy Pop. Ben non, c'est moi qui ai choisi de faire ça depuis ma buanderie. Ben oui, le morceau est déjà fini et puis ben, j'ai pas encore eu le temps de boire mon verre d'eau. J'étais à la recherche de la carafe pour y verser l'eau du robinet et j'ai pas trouvé bordélique comme patois, évidemment. Donc, deuxième morceau donc, qui était Scission siamoise de K4N. Ce morceau qui est tiré de l'archive dogmasique, mais sinon, donc pour le nouvel arrivant sur le chat, et je pense qu'il doit y avoir aussi d'autres auditeurs, plus aussi tous ceux qui écouteront l'émission après coup en différé. Donc je rappelle que nous avons, même s'il n'y avait pas de thème vraiment prévu ce soir, qu'on est un peu dans l'improvisation, donc je fais mon émission d'une part depuis la buanderie, ça c'est une chose. Mais d'autre part, cette émission, fais passer, en plus des morceaux de l'archive dogmasique, des morceaux que j'ai glanés sur les réseaux de peer-to-peer. Hein. Donc ces morceaux qui sont, enfin des morceaux que j'ai téléchargés tout à fait légalement, puisqu'ils sont sous des licences, des LLD, des licences de diffusion ouverte. Hein. Enfin, ça fait plutôt LDO, ça, licence de diffusion ouverte, oui. J'y ai bien entendu placé la mienne, hein, tant qu'à faire, hein, mais même si y a d'autres choses qui cartonnent beaucoup plus, et y compris des choses qui sont copyrightées, qui ne devraient pas y circuler, et je suis tout à fait favorable à ce que ces choses copyrightées ne circulent pas, comme ça laissera plus de place pour les musiques en diffusion ouverte. On va les laisser interdire ça, c'est bien, c'est très bien pour nous. Et donc la suite des morceaux, ce que j'ai prévu, alors hop, voilà, j'ai ma liste là, parce que les morceaux sont déjà préparés d'avance pour, je vais faire passer deux d'un coup, pendant qu'on y est, clic droit, copier, voilà, parce que la liste elle est sur mon écran, j'ai bien fait de ne pas la mettre sur le papier, ce qui me permet de revenir sur le chat et de faire CTRL V, coller. Juste un truc, j'ai vu qu'il n'aime pas quelque chose. Alors je vais donc l'enlever. Ah oui, c'est bien ce que je me disais. Tac. On va faire autrement, comme ça. Et entrer. Voilà, et c'est magique, il y a tout qui s'imprime sur le chat. Voilà les deux morceaux qui vont venir, hein, donc le 11e et le 12e. Il s'agit donc, le prochain morceau, c'est Bryce Durbin, que j'ai glané en torrent sur legaltorrent.com. Il est en licence Creative Commons by NCND 2.0 et l'album s'appelle Solo Album. Le morceau s'appelle Untitled One, le sans-titre numéro 1. Au moins, il s'est pas embêté pour les titres. Bon, d'ailleurs, il a bien raison. Hein. Pourquoi toujours vouloir mettre des titres et chercher des choses compliquées à gauche, à droite ? Sans-titre numéro 1, c'est très bien aussi. Et puis, qui sera suivi tout de suite après. Alors, cette fois-ci, ça vient de Dogmasic. Donc Autocombustion de Vivalt, qu'il avait enregistré, enfin qu'il avait mis en ligne en décembre 2007. Donc on passe d'un morceau qui serait d'ailleurs je sais même plus ce que c'est comme style, Bryce Durbin, hein. De toute façon c'est pas long, je crois que c'est de la guitare, hein, il me semble. Et ensuite on va passer à un style noise sous une licence IANG. Le style noise et juste après la guitare, ben ça va faire un sacré contraste encore une fois. Et c'est bien, c'est ce qu'on aime bien d'ailleurs, hein, la diversité. Ah, j'ai l'impression, je crois que je suis encore en train de... J'ai encore le statut de dormir. Non, je suis... je suis pas en plein sommeil là. Je suis là. Je sais pas comment on enlève ça. J'ai l'impression d'être inscrit absent sur le chat. Bon, c'est pas grave, hein. Donc la noise, on va en mettre, oui, Mr. Piggy Pop qui aime ça. Alors, ah non, ça c'est encore ça c'est les mauvais morceaux, j'allais repasser les mêmes, voilà. Donc Untitled One de l'album solo de Bryce Durbin. Je crois que c'est de la guitare, hein. Je me mélange avec tout ce que j'ai téléchargé d'un seul coup, j'ai pas encore tout intégré, suivi de Vivalt, Autocombustion. Thank you. nous avons eu droit à Bryce Durbin qui nous a joué Untitled One avec sa guitare sur son album solo. Donc vous trouvez ça en torrent sur www.legaltorrents.com. Donc ce morceau était sous Creative Commons by NCND, immédiatement suivi par Autocombustion de Veewald. Donc celui-là, cette fois-ci, c'est une licence IANG et ça vient de l'archive Dogmazic, hein, dogmazic.net/Veewald, Veehwalt. Voilà. Ce soir, donc on panache les choses que j'avais trouvées donc sur les réseaux peer-to-peer, ceux qu'on a le droit de télécharger. Et il va encore y en avoir d'autres, hein. Donc là, on va encore faire aussi un panachage là. Donc en passant les deux morceaux l'un à la suite de l'autre. J'ai prévu cette fois-ci April Snow de Walibi. Alors on n'est pas vraiment, la neige, c'est plus tout à fait d'actualité. Le mois d'avril s'est passé, mais bon, on s'en fout, hein. Je ferais même passer un chant de Noël si ça me prenait en plein mois d'août. Ça me dérange pas, hein. Pas besoin de vouloir faire absolument comme les autres, hein. Et ça va être suivi après également de DC 3000, donc la lettre D suivie de la lettre C, puis un blanc, un 3, un 0, un 0, un 0 et encore un 0. Je sais pas ce que ça veut dire, hein, si c'est une référence, c'est peut-être une référence de machine à laver, tiens. Et ça, c'est par contre de Thievery Corporation. Donc toujours de cet album, de cette compilation appelée The Wired CD Rip Sample Mash Share. Ça, c'est le titre, hein, The Wired CD Rip Sample Mash Share. Alors ils ont encore une fois situé ça comme alternative et punk, mais enfin bon, si c'est comme tout à l'heure, hein, où ça sonnait plutôt électro malgré ça, donc on va découvrir ce que c'est vraiment comme son là en écoutant tout à l'heure. Donc ça date de 2004, c'est sous une licence Creative Commons Sampling plus 1.0. Et ça vient surtout de www.legaltorrents.com, vous trouvez également des renseignements sur cet album en allant sur www.creativecommons.org/wired. C'est là que vous avez donc toutes les informations, et ça, c'est quelque chose qu'on a le droit de télécharger tout à fait légalement sur le peer-to-peer. Alors, de grâce, arrêtez de télécharger Chimen Badi, Michel Sardou, Michael Jackson. Ils veulent pas qu'on les télécharge, alors téléchargez de la musique libre. Ça sera bien au moins, et on va au moins se nettoyer les oreilles avec ces choses-là. Et donc je retourne à ce qui se passe sur le chat. Veewald qui entend la machine à laver, bah bien sûr, puisque c'est en direct de la buanderie. Donc pour le chat, je vous rappelle le chemin pour y aller. Vous cliquez en dessous de l'autruche casquée avec le transistor à côté. Donc juste en dessous, il y a marqué planning de la radio. Vous cliquez là-dessus. Puis ensuite, au-dessus du tableau du planning, vous cliquez sur accès au chat en Java. Et là, bah, vous aurez la joie de lire. Non seulement vous entendez toutes les conneries que je débite et que je bafouille dans mon micro, mais en plus, j'en écris. Et là, ça, vous aurez double dose. Alors, un petit copier-coller d'ailleurs, puisque je donne sur le chat également, mais aussi sur le forum, hein, dans le sujet émission de Gloop. Hein, donc, je donne donc sur le chat en direct toutes les références de ce qui passe à l'antenne. Et donc, voilà déjà donc le morceau, donc le 13e et le 14e morceau là que je viens d'annoncer et que je vais lancer. à l'instant donc deux morceaux qui tournent un petit peu en boucle, tranquille, qui ronronnent. Bon, il y en a qui font aussi de ce genre de choses, hein. Donc tour à tour, donc il s'agissait de où est-ce que j'ai mis ça, donc les références exactes, donc de April Snow par Walibi, hein, qui avait été mis sur Dogmazic en mars 2008 sous licence Creative Commons by NC2.5. Ça c'était le morceau d'avant et qui a été immédiatement suivi de DC3000 par Thievery Corporation, qui lui provient donc de LegalTorrents.com. Donc il faut donc installer la mule ou un truc comme ça pour l'obtenir, mais on a tout à fait le droit de le télécharger puisque c'est sous licence Creative Commons Sampling Plus 1.0. Oui, enfin c'est licences qui ont des noms un peu compliqués, mais bon, il paraît qu'il faut dire sous quelle licence ça se trouve, donc bon. Et encore une fois, je ne trouve pas ça du tout punk, hein. C'est eux qui disent que c'est alternative et punk, mais bon, c'est pareil, ça ronronne, ça tourne en rond comme ça, tranquille, hein, tout doucement. C'est pas tout le monde ne fait pas forcément de la musique qui décrasse les tympans, hein. Bon, il y en a qui ont entendu tellement de choses, faut qu'ils fassent pareil, hein. À force de faire d'entendre des boucles, hein, ils font aussi des boucles. Bon, c'est un genre, hein. C'est un genre, ça existe, hein. On fait passer vraiment de tout, parce que bon, je ne vais pas présumer des goûts des auditeurs. Voilà, forcément ils aiment ça à cause de je ne sais quelle théorie fumeuse là, le genre de choses. On va donc pas passer non plus dans l'autre extrême de ne pas surtout pas vouloir mettre de choses qui sonnent variétoches, hein. J'ai prévu donc maintenant également deux morceaux de musique qui viennent, tous les deux viennent de Dogmazic. Donc déjà DJ Clue Power One, comme son nom l'indique, vient de DJ Clue. Morceau qui date de janvier 2008 sous Creative Commons by NCND 2.0. Et un pianiste qui scotche de DJ BSK, ben voilà encore un DJ, pareil, hein, Creative Commons by NCND 2.0, on dit qui c'est bien sûr, on ne le vend pas, on ne modifie pas le morceau, on ne parle pas par-dessus, c'est certainement des choses que les publicitaires auraient voulu avoir, mais non, on va pas leur donner, hein. Référence du morceau, comme à chaque fois, je mets ça sur le chat. Ah bah il me fait 16 commandes inconnues, bon bah en fait c'est le changement de saut de ligne, hein. Et puis je vais aller poster ça au fur et à mesure également sur le forum, donc pour le chat n'hésitez pas à venir, hein. Vous cliquez en dessous de l'autruche planning de la radio, parce que là franchement il n'y a pas beaucoup de monde, faut venir, hein, je vais pas vous manger, hein. Et puis si vraiment vous n'arrivez pas à accéder au chat, hein, vous pouvez avoir aussi toutes les références des morceaux qui passent dans l'émission que je poste au fur et à mesure, hein, dans le sujet, sur le forum, donc index du forum, vous allez sur Radio Dogmazic, puis dans le sujet émission de Gloop, et là pour l'instant c'est le tout dernier message là qui grandit, DJ Clue et DJ BSK viennent d'être ajoutés. Et sur le chat, hein, effectivement il y a Mr Piggy Pop, mais apparemment il a l'air un peu silencieux. Peut-être ces choses qui ronronnent ne lui conviennent pas trop aussi, hein. Ça vient un petit peu de ça également. Il y a peut-être aussi de ça, mais enfin bon, on fait passer un peu tous les styles, hein. Donc on va démarrer et là je vais devoir couper le son de la buanderie parce qu'on ne remixe rien par-dessus quand on a une licence avec un ND. Thank you. Et nous voici arrivés maintenant au terme de l'émission. Ah oui, donc voilà, qu'est-ce que... oui, alors on a parlé avec Mr. Piggy Pop là, pendant que la musique passait, un petit peu de tout et de rien, de machines à laver, de choses comme ça. Je lui avais demandé s'il voulait entendre le petit délire là que j'ai fait là tout à l'heure en réglant le niveau de la musique. Là, tout à coup, je me suis à peine j'ai allumé le micro juste avant de faire le réglage du niveau du micro, d'ailleurs que j'ai dû retoucher entre temps. Ça m'a pris là comme ça. Je me suis fait un truc, une espèce de jazz vocal. Et voilà qui me disait que c'est moi le chef. Non, j'ai un chef au travail, je veux pas devenir pareil. Ensuite, il m'a dit directeur, pareil, je veux pas devenir directeur. On en a aussi un au travail. Et puis on a loupé l'essorage là, il y avait pas moyen de rouvrir le micro là pendant que les morceaux passaient, puisque c'est en ND, donc on peut pas remixer par dessus. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait de fondu enchaîné aussi. Et puis on a alors parlé de la machine à laver quoi, pas moyen de la mettre en pause, donc on n'a pas eu droit à l'essorage. Hein. C'est dommage parce que ça aurait été sympa quoi. Bon. Mais c'est surtout en parlant, parce que ça donne un peu une autre ambiance, quoi. C'est studio, insonorisé, où on n'entend rien, pas même une mouche qui vole. Alors, il pensait que quand on appuie sur pause et que la machine ne s'arrête plus, c'était un virus. Non, elle est comme ça, hein. C'est très... Les machines à laver, c'est un peu têtu là, elles sont têtues dans leur genre, hein. Très obstinées, hein. Elles n'en font qu'à leur tête. Hein. Alors j'avais une machine à laver vers la fin quoi de sa vie quoi, de la précédente. Hein. Quand elle essorait, elle se promenait, fallait toujours la remettre là d'où elle venait, la redéplacer. Et puis bon, un jour bon, elle a rendu l'âme, hein, parce qu'une machine à laver ça a une âme. Hein. Et j'ai changé de machine. La mienne elle est morte autrement quoi, hein. C'est-à-dire qu'elle faisait sauter les fusibles chaque fois qu'on la mettait en route, donc là c'était autre chose, mais la sienne, celle de Mr. Piggy Pop, était tombée. Alors cette nouvelle machine, j'ai pensé qu'il fallait la mater tout de suite, hein, parce que la machine à laver, si vous ne la matez pas dès le début, alors là c'est très grave. Donc ce que j'ai fait, j'avais mon lit qui était placé en face de la machine. Je lui ai donné du linge à laver. Je l'ai fait travailler. Et puis devant elle, ostensiblement, j'ai fait ma sieste. Comme ça, au moins, elle sait où elle est. Elle sait qui est le chef. Je suis chef. Je m'en étais pas rendu compte. Je voulais pas être chef. Rien qu'avec la machine, je deviens chef. Hein. C'est grave. Hein. Le travail, ça contamine vraiment dans le mauvais sens. Donc, on va finir. On dépasse un petit peu de l'horaire. Hein. Donc, on va finir avec ce petit délire là que je m'étais enregistré là, un essai de jazz vocal. Alors ça s'appelle T-R-O-M-P-R-E-T-T-E, ça c'est le titre du morceau, et c'est sur cela qu'on va se quitter. Alors je salue Borgnol, c'est au cas où il entendrait encore, je salue Mr. Piggy Pop, et puis alors tous les auditeurs qui n'ont pas osé venir ni sur le chat, ni sur le forum. Et puis également ceux qui écoutent l'émission en différé, puisque de toute façon, évidemment, comme d'habitude, c'est sur l'archive. Mais enfin, ceux qui l'écoutent sur l'archive dogmatique, là maintenant, tout de suite, c'est qu'elle était déjà en ligne. Voilà, je parle au passé par rapport à quelque chose qui est dans le futur. Hein. C'est assez space hein, de parler pour une émission une émission en direct, et pour parler à ceux qui sont en différé, c'est compliqué. Faudrait inventer des conjugaisons spéciales pour ça. Pour punition, vous allez me conjuguer deux verbes du troisième groupe, hein. Le verbe mâchoire et le verbe mouchoir. Voilà. Donc T R O M P R E T T E. Voilà le morceau.